cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Charles Martel, la bataille de Poitiers. En 1783 paraît un petit guide fort plaisant. Les tombeaux des rois, reines, princes, princesses du sang et autres personnes de distinction qui sont dans l'église de l'abbaye royale de Saint-Denis en France. Pratique pour visiter l'abbaye de Saint-Denis. Nous y apprenons que Clovis II, appelé sur son épitaphe Ludovicus Rex Filius Dagoberi, a régné 18 ans. Nous apprenons aussi que juste à côté, il y a Charles Martel avec cette inscription Carolus Martellus Rex. Quoi qu'il n'ait porté pendant sa vie, ni la qualité de roi, ni le nom de Martel. Nous savons qu'il est mort en 741. L'histoire serait-elle un tissu de mensonges? Les mythes ont la vie dure. Anne-Lise Neff, bonjour. Bonjour, Xavier Mauduit. 732, la bataille de Poitiers. Ça fait partie des dates que nous récitons par cœur. Marignan, 1515. 732, la bataille de Poitiers. Que savaient les contemporains de cette bataille? Quelles sont les sources les plus proches de l'événement? Alors justement, c'est un des problèmes, et c'est ce qui explique que tant de projections entoure cette date, c'est que les sources ne sont pas si nombreuses. Elles sont par ailleurs assez ponctuelles. Alors on a des sources arabes, dans lesquelles il n'y a pas grand-chose, il faut bien le dire. Des sources latines qui sont un peu postérieures, où là aussi les débats sont assez vifs pour à la fois déterminer le lieu, la date, ce qui n'est pas rien, évidemment, pour une bataille. Et dans l'ensemble, elle est assez peu évoquée. La source la plus abondante, disons, sur cet événement, et qui a été pas mal utilisée, c'est celle qu'on appelle donc la chronique mozarabe de 754, qui est une source rédigée dans la péninsule ibérique par quelqu'un dont on ne sait pas vraiment qui il est, sur lesquels, là aussi, il y a eu débat, et qui est probablement donc un chrétien sous domination islamique, et qui, là pour le coup, fait une présentation de la bataille de manière relativement sanglante, et avec d'autres caractéristiques sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure, qui ont fait couler pas mal d'encre. Mais disons que c'est la description la plus longue. La description la plus longue, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors à Poitiers, mais vous venez de nous dire qu'on n'en est pas sûr, en 732 on n'en est pas sûr non plus. C'est quoi cette polémique autour de la date et du lieu? Alors, 732, on en est sûr. Ah voilà, mais vous nous rassurez, parce que il y a eu une polémique à un moment, certains ont brandi 733, tout ça maintenant c'est éteint, c'est 732. Oui, je crois qu'on est à peu près arrivé, mais peut-être William Blanc me contredira-t-il, il est plus spécialiste que moi de la bataille de Poitiers, mais qu'on s'est mis à peu près d'accord sur le 25 octobre 732. En tous les cas, c'est ce que dit Philippe Sénac dans son ouvrage sur Charlemagne et Mahomet. En revanche, donc, ce qui fait débat, alors c'est sur le lieu, dans la mesure où les descriptions, notamment dans les sources arabes, renvoient à ce qu'on appelle une balat al-shuhada, c'est-à-dire, alors balat, là aussi, est-ce que c'est une voie romaine? Est-ce que c'est un palatium? Al-shuhada, donc des martyrs. Vous voyez que comme toponyme, on fait plus précis. Et donc, on a débattu sur le fait de savoir où il fallait placer cet endroit. Donc ça, c'est un premier point. Et par ailleurs, et surtout, ce qui pose problème, ou ce qui fait débat plutôt, c'est quelle est l'importance de cette bataille. Est-ce que c'est une escarmouche? Est-ce que c'est au contraire absolument décisif dans l'arrêt de l'avancée des musulmans vers l'Europe? On peut tout de suite dire que cette avancée se poursuit par la suite, notamment du côté de la Provence. Donc non, ce n'est pas le coup d'arrêt qu'on a voulu dire. Et probablement, le fait que la bataille n'ait pas laissé beaucoup de traces dans les sources s'explique par le fait que ça n'a pas dû être non plus une bataille titanesque. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, William Blanc également, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Charles Martel et la bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire, un ouvrage que vous avez écrit avec Christophe Naudin. Peut-on dire qu'en 732, les contemporains n'ont pas senti que quelque chose se passait comme un changement de civilisation? C'est certain en fait, hein, parce que il y a, si vous voulez, déjà le premier problème, c'est que si on se met dans la peau de Charles Martel, on se rend, enfin, lui-même ne sait sans doute pas ce que c'est qu'un musulman. Donc déjà, il y a un premier problème par rapport à ça, c'est qu'en fait, même les Occidentaux, pendant très longtemps, ne vont pas savoir ce que c'est, ne vont pas savoir définir ce que c'est. C'est une première chose. Et deuxième chose, en plus, l'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que on a souvent tendance à dire qu'il y a une espèce de... Il y a comme une espèce de jeu, en fait, entre deux forces, en fait, entre deux civilisations. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, comme l'a rappelé Nizneff brièvement, c'est que... C'est un jeu à plusieurs. Il y a d'un côté les Francs, de l'autre en effet les ce qu'on va appeler les Sarrasins en fait, hein, qui viennent donc de la Septimanie, donc de cette région en fait aujourd'hui la France du sud-est. Mais il y a aussi les Aquitains, il y a aussi les Provençaux qui vont parfois jouer en fait, donc qui sont des territoires en fait chrétiens, mais qui vont parfois s'allier avec les musulmans parce qu'ils ont peur aussi d'une forme d'impérialisme en fait, hein, de la part de Charles Martel en fait, hein, très nettement. Donc c'est un jeu beaucoup plus complexe qu'on pourrait penser de prime abord. C'est pas un choc entre deux civilisations, c'est au contraire, c'est quelque chose qui se joue entre de nombreuses entités politiques. Et d'ailleurs, même du côté musulman, il va y avoir après des dissensions, même un peu avant d'ailleurs en fait, hein, il y a peut-être des autres, voilà, ça c'est pareil, les sources sont tellement peu disaires en fait, hein, qu'on ne sait pas trop en fait, en fin de compte, hein, tout ce qu'on peut savoir d'à peu près certain, c'est qu'il y a un jeu géopolitique assez compliqué en fin de compte. Et puis nous avons nos représentations avec les Pyrénées comme frontière entre l'Espagne et la France. La Septimanie, c'est la région de Narbonne, de Montpellier. Les Pyrénées, Annelise Neff, ne sont pas cette frontière que nous imaginons aujourd'hui. De fait, il faut imaginer donc des circulations relativement intenses de part et d'autre des Pyrénées. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tout de même, hein, pour replacer un peu les choses dans le contexte, on a une conquête donc de la péninsule ibérique qui a débuté en 711, qui est relativement rapide. Les Visigoths s'effondrent devant cette avancée. Et on est donc dans le prolongement, on pourrait dire dans la queue de comète, de cette avancée musulmane, mais qui évidemment a connu des coups de main antérieurs à 732 et des contacts effectivement entre les acteurs locaux. Rappelons par ailleurs que de fait cette présence arabo-musulmane va se poursuivre par la suite, notamment dans la Narbonnaise, et on a un certain nombre de traces, d'indices qui ne font pas de doute. On en a même, et ça a été montré depuis longtemps, au-delà de cette période. Donc les circulations à la fois avec entre Al-Andalus et le comté de Barcelone, de toute nature, pas seulement militaire, et même au-delà, sont bien connues. Ça, ce n'est pas... L'histoire que vous nous racontez autour de la bataille de Poitiers en 732 est bien différente que celle que l'on nous a pendant très longtemps racontée. Eudes, le duc de Toulouse, envoie des émissaires au puissant maître des Francs, Charles. Sire duc, les perfides sarrasins ont à nouveau passé les monts et assailli Bordeaux. Comment résister à ces infidèles, munis de cuirasses, manquant de tout? Ils sont au moment de leur plus grande audace, mais quand leurs mains seront pleines de butin, quand l'ambition se sera emparée de leur chef et que la division aura pénétré dans leur rang, alors nous irons à eux, sûrs de la victoire. L'abbaye de Saint-Hilaire à Poitiers est pillée par Abderrahman. Ses bons mulets d'Arabie sont chargés de trésors. C'est alors que Charles, maire du palais, convoque Francs, Alamans, Bourguignons, Gaulois et Vascons et leur fait jurer de combattre l'envahisseur. Longue vie au duc Charles ! Ah, les perfides sarrasins, c'est dans l'histoire de France en bande dessinée sur FR3 en 1976. William Blanc, dans cette narration que nous venons d'entendre, tout le monde se place derrière Charles Martel comme une cohérence absolue pour aller chasser les sarrasins qui ont osé entrer en France. Disons-le, la notion même de France est extrêmement complexe. Bah, de toute façon, à l'époque, très nettement, elle n'existe quasiment pas, en fait. Hein. Donc, c'est pas. C'est, on parle de Regnum Francorum, hein, donc de Royaume des Francs, qui c'est un héritage, en fait, hein, de la dynastie mérovingienne, qui est une espèce de regroupement politique assez complexe, où il y a une unité politique qui est assez lâche, en fin de compte. Hein, donc, et même la notion d'État n'existe quasiment pas, du moins dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Donc, ça, c'est une première chose. La seconde chose, ce qui est assez amusant dans l'extrait que vous avez passé, c'est que Eudes, là on a l'impression en effet d'une espèce de vassalisation d'Eudes vis-à-vis de Charles en fait. Hein, donc Eudes et Charles étaient des ennemis jurés, même une année à peine avant la bataille de Poitiers, ils se sont battus, ils se battaient régulièrement l'un contre l'autre, vu que Eudes cherchait, enfin le duché d'Aquitaine cherchait justement à quitter totalement l'orbite du Regnum Francorum et affirmer une forme d'indépendance ou du moins d'autonomie. Et en fait, là-dessus, c'est quand Eudes n'a pas réussi à contenir en fait hein, le raid d'Abderrahman qu'il est allé chercher bien malgré lui Charles Martel. Et c'est ça a été en fait une manière pour Charles Martel de prendre pied en Aquitaine et pour les futurs Carolingiens d'affirmer leur mainmise sur l'Aquitaine, mais mainmise qui sera assurée uniquement 30 ans après. Hein. Donc c'est pareil, c'est encore une fois il y a des lignes de force qui sont très oubliées aujourd'hui, mais qui sont très importantes à l'époque. Qui est Charles Martel, William Blanc? Charles Martel, c'est un membre donc de cette famille qu'on appelle les Pipinides à l'époque, ce qui après vont donner voilà donc les Carolingiens. Donc c'est le grand père de Charlemagne, mais c'est un aristocrate franc qui réussit, alors qui vient d'Austrasie, donc l'Austrasie a priori là le cœur de la dynastie carolingienne, c'est plutôt en Belgique actuelle, donc entre, pour simplifier, entre la Meuse et le Rhin en fait, hein, donc et ce qui se passe c'est que lui il vient d'une famille qui n'est pas titulaire du royaume mais qui s'impose en fait hein, de plus en plus en étant on est de nombreux maires du palais en fait hein, donc en devenant pour beaucoup d'entre eux des maires du palais des souverains francs, des souverains mérovingiens, et c'est un homme qui s'impose, hein, qui vient de cette famille-là et qui impose de plus en plus son pouvoir, mais à force de guerre en fait. Hein. Concrètement, depuis son arrivée au pouvoir, il s'est régulièrement battu, avant tout non pas contre des Sarrasins, mais contre d'autres Francs en fait. Hein, donc pour imposer son pouvoir au sein du Regnum Francorum, en fait, au sein de cette espèce d'espace très complexe qui comprend notamment l'Austrasie, la Neustrie. Donc et ça, petit à petit. En fait, encore une fois, quand Eudes voit arriver Charles Martel ses frontières, il voit arriver aussi un envahisseur, en fin de compte, quelqu'un qui veut absolument reprendre en main l'Aquitaine. Et les Provençaux en 737 vont penser la même chose, vu qu'ils sont des chrétiens. Quand ils vont voir arriver Charles Martel déboucher ses troupes déboucher de la vallée du Rhône, ils vont appeler en renfort les Sarrasins, en fait. Hein, donc, parce qu'ils ont peur de cette espèce d'expansionnisme de Charles Martel. Oui, c'est Charles Martel qui envahit. C'est intéressant ce que nous dit William Blanc. Et puis pour une bataille, il faut être deux quand même, parce que sinon, on ne se bat pas. Anne-Lise Neff, qui est face à Charles Martel? Alors de fait, ce qui est intéressant, c'est cette notion d'invasion. Alors, qui est face à Charles Martel? C'est l'émir donc d'Al-Andalus, hein, Abd al-Rahman, qui mène ses troupes. La question, c'est de savoir si il y a vraiment invasion. C'est bien toute la question. S'agit-il d'une razzia, enfin ce qu'on appelle une razzia? On l'a entendu un peu dans l'extrait, hein, cette idée de faire du butin. On n'a pas vraiment l'impression que c'est le djihad qui les porte complètement. Hein. En tous les cas, c'est une question, et probablement les deux motivations se tiennent-elles la main, hein, si on peut dire. La question du butin est essentielle, et surtout, on peut penser, parce que les arabo-musulmans connaissent dans d'autres espaces de l'Empire islamique à la même époque, une forme d'essoufflement. Hein. C'est un espace extrêmement vaste qui va de l'Asie centrale à l'Atlantique désormais. Donc il faut imaginer qu'il faut tenir cela. Et on peut penser hein, qu'ils n'ont pas eu l'idée de conquérir à proprement parler donc ce royaume des Francs. Conquérir et à plus forte raison pas envahir. Hein. On ne parle pas disons, de troupes qui soient si importantes que l'on puisse vraiment parler d'un déferlement. Hein. Oui, et puis Poitiers, c'est aussi un choix intéressant parce que Poitiers est une ville hautement symbolique et une ville qui concentre des richesses, ne serait-ce que par la figure de Saint-Martin, Poitiers, les pèlerinages, Anne-Lise Neff. Oui, de fait, hein, c'est ce qu'on voit un petit peu dans les sources. Notre ville apparaît aussi, c'est Tours, qui est précisément, hein, c'est quand Tours est menacée, semble-t-il, que les choses se précipitent pour Rabd al-Rahman, qui va trouver la mort dans cette affaire. Mais manifestement, hein, ce sont les trésors, effectivement, des abbayes qui alimentent, disons, la cupidité ou l'avidité de ces attaquants. Voilà, vous nous expliquez qu'il ne s'agit pas vraiment d'invasion. William Blanc lui a utilisé le mot raid et pourtant c'est bien dans l'histoire, peu à peu, l'idée d'une invasion qui se met en place. Le mythe identitaire Charles Martel ne fait pas les choses à Poitiers, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Regarde, regarde, regarde leurs chevaux galoper. Les laissera-t-on venir s'établir en France ? Les laissera-t-on nous envahir, nous imposer leur religion, leurs mœurs ? Non. Non. Mais voilà le chef. Voilà notre chef. Il envoie aussitôt ses cavaliers au-devant de l'ennemi. Le combat s'engage. C'est dans une terrible et dernière bataille que l'ambition guerrière des envahisseurs est enfin anéantie. En 1966, dans l'émission Jeunesse de l'ORTF, la narration qui est faite, alors vous faites un petit signe de tête, Anne-Lise Neff, mais nous comprenons bien, hein, avec les effets générationnels, les gens qui ont été baignés avec cette histoire-là en 1966 et qui ont grandi avaient en tête, hein, cette idée, attention, ils arrivent, ils viennent imposer leur religion. C'est intéressant, on est très très loin de tout ce que vous nous parlez, Anne-Lise Neff et William Blanc. William Blanc, Charles Martel, héros tel qu'il est présent dans cette archive, ce n'est pas du tout le personnage du 8e siècle. Non, non, parce que, alors évidemment, même l'extrait, il est intéressant parce qu'on sent aussi le poids des représentations de l'époque, la musique derrière qui fait penser à une musique de peplum et tout. Donc, et puis je remarque aussi que il n'est pas question, en plus, dans cet extrait-là, de destruction de la chrétienté, parce que dans pas mal d'extraits, on va dire, voilà, Charles Martel voulait, enfin, Abd al-Rahman voulait détruire, en fait, ou les musulmans voulaient envahir l'Europe entière. Là, il n'est question que de la France. On est vraiment dans un roman national, hein, pour le coup. Ça c'est intéressant, mais non, oui, ça n'a pas grand chose à voir. Surtout que ce qui est assez frappant, c'est que dès le 9e siècle, il va se développer une mémoire très négative de Charles Martel, qui va être accusé, alors notamment dans un texte, hein, qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Le Songe de Saint-Eucher, qui va être accusé d'être avant tout un pilleur d'église. C'est-à-dire, en fait, on va dire que Charles Martel, pour financer son armée, va piller les biens de l'église, a pillé les biens de l'église, et que c'était quelque chose de mauvais, évidemment, c'était un péché, et donc un saint qui s'appelle Eucher, en fait, hein, va faire un songe représentant, en rêvant que Charles Martel est en train de brûler en enfer, et il va demander à ce que son tombeau soit à Saint-Denis, soit ouvert, et quand on va ouvrir le tombeau, il va y avoir un dragon qui va sortir, le dragon va partir dans le ciel, et puis il va y avoir de la suie qui reste. Hein, donc cette image-là, ce texte-là, il va être très particulièrement diffusé au Moyen Âge. On va le retrouver y compris dans des manuscrits royaux du 13e, 14e siècle, donc des manuscrits royaux français, en fait. Hein, et on va aussi le retrouver sur des médailles de pèlerinage, notamment au pèlerinage de Saint-Tron, donc en Belgique, en fait. Hein, donc c'est une image qui est très importante. Et à côté de ça, le Charles Martel, défenseur de la chrétienté, il est pas vraiment mis en avant, en fait. Hein. Il existe, mais dans les textes comme les Grandes Chroniques de France, qui sont en gros l'histoire du royaume racontée par les rois de France, en fait, hein, donc une espèce d'œuvre de propagande avant l'heure, eh bien, on en parle de cette bataille, mais en fin de compte, c'est pas une bataille très importante, c'est pas celle qui est mise en avant. On parle plus aisément de batailles comme une bataille, enfin là, des batailles assez oubliées, donc qui opposent notamment des héritiers de Charlemagne entre eux. Donc c'est voilà cette image, voilà, de Charles Martel, défenseur du territoire ou combattant des Sarrasins. En fin de compte, dès le 8e, 9e siècle, il n'est pas vraiment mis en avant. William Blanc, vous nous expliquez que le songe de Saint-Eucher, évêque d'Orléans, est quelque peu oublié. Oui, c'est vrai, mais pas dans le cours de l'histoire. Comme Saint-Eucher interrogeait à ce propos l'ange qui le guidait, il lui fut répondu que sur la décision des saints qui participeront avec le Seigneur au jugement futur, et dont Charles enleva et divisa les biens, il avait été condamné dans son corps et dans son âme avant le jugement à des peines éternelles. Revenu à lui, Saint-Eucher appela Saint Boniface et Fulrad, abbé du monastère de Saint-Denis et archichapelain du roi Pépin. Il leur raconta tout cela et leur donna l'ordre, à titre de preuve, d'aller au sépulcre de Charles, et que là, s'il ne trouvait pas son corps, il devait croire à la véracité de ses dires. Ils se dirigèrent donc vers le susdit monastère où le corps du dit Charles avait été enterré. Ils ouvrirent son tombeau, et subitement, ils en virent sortir un dragon. Daniel Koenigsberg qui disait cette vision de Saint-Eucher, c'est une traduction d'Anne Wagner. William Blanc, mais pourquoi Saint-Eucher écrit-il cela? Parce qu'au moment de réfléchir à la récupération politique d'un personnage, c'est le cas de Charles Martel, il y a évidemment celui qui défend la foi telle qu'il a longtemps été présenté, et puis il y a ce moment où il est décrié, surtout que Saint-Eucher est un contemporain, il voit tout cela. Pourquoi dénigre-t-il tant Charles Martel? Bon, alors déjà, a priori, vous savez, comme souvent dans les textes hagiographiques, en fait, hein, donc les textes, c'est des vies de saints, en fait, hein, c'est pas Saint-Eucher qui écrit lui-même, surtout que c'est difficilement possible, parce que dans ce texte-là, donc Saint-Eucher dit « Allez voir la tombe de Charles Martel », or on est quasiment certain que Saint-Eucher est mort avant Charles Martel, donc voilà. Donc a priori, ce texte-là, il apparaît au 9e siècle, au moment où, bon, parce que le fait que, voilà, au 8e siècle, se servir dans les biens de l'Église, c'est quelque chose qui est fait, voilà, de manière assez courante. En fait, hein. On place généralement des membres de sa famille comme abbé, comme évêque, et voilà. Donc bon, ça c'est pas quelque chose qui est choquant. Par contre, un siècle plus tard, avec l'affirmation de l'Église sous les Carolingiens et le fait que notamment les héritiers de Charlemagne et de Louis le Pieux, donc les petits-fils de Charlemagne, se battent entre eux, eh bien les pillages ou en tout cas les spoliations des biens de l'Église commencent à passer de plus en plus mal, et a priori ce texte-là apparaît dans des milieux ecclésiastiques pour dénoncer justement ces pillages. Et vu qu'il est difficilement possible de critiquer un ancêtre comme Louis le Pieux, donc qui est empereur, Charlemagne qui est empereur, le père de Charlemagne, Pépin le Bref, qui était roi, et donc a priori ils sont les chroniqueurs de l'Église ont pris l'ancêtre le plus proche et qui était qui lui n'était pas roi, qui en plus c'est un personnage qui Charles Martel, tout au long du Moyen-Âge, il va poser un problème, parce que c'est quand même quelqu'un qui assume une position royale sans être roi. Et donc, ça va poser un énorme... C'est un usurpateur, en fait. Hein. Donc, il va usurper les pouvoirs de la couronne, des rois les mérovingiens légitimes. Donc, ça va poser pour les chroniqueurs royaux et même pour les souverains les Capétiens qui vont se revendiquer de descendre des Carolingiens, le personnage de Charles Martel va toujours poser problème. Donc, une des manières de contourner ce problème-là, c'est de dire, en fin de compte, cet ancêtre existe, en effet... On va dire qu'il était roi, ce qui n'était pas le cas en fait. Hein, donc voilà, il a jamais été roi, comme vous l'avez signalé. On va quand même le mettre en avant, mais comme un mauvais exemple, un exemple à ne pas suivre. Et à contrario, ce qui permet en fait de mettre en avant, au contraire, des exemples eux à suivre, comme Dagobert qui va fonder l'abbaye de Saint-Denis, ou Clovis ou Charlemagne. Donc en fait, Charles Martel, encore une fois, au Moyen-Âge, y compris dans la propagande royale capétienne. C'est un personnage somme toute, assez négatif. Ouais, somme toute négatif, personnage ambigu en fait, dont l'image ouais. évolue selon là où nous nous plaçons, à quel moment nous nous plaçons, une sorte de boléro de Charles Martel. Les Alpes par cap, et prie-toi, citadelle, en traversant la Suisse en l'eau, dans leur itinéraire, pour être funéraire à Pinsot, du tout le funéraire. Oh, que je les plains, oh, que je les plains, ces pauvres, pauvres Sarrasins. Oh, que je les plains, oh, que je les plains, ces pauvres, pauvres Sarrasins. Cette armure dont la bonté garantit mes épaules, César l'a mis au mon piété, quand il quitta les Gaules, c'est avec ce fer que je tiens, que le grand Alexandre rende à les neuf gardiens qui gardaient l'île en Flandre. Oh, que je les tiens, oh, que je les plains, ces pauvres, pauvres Sarrasins. Oh, que je les plains, c'est pour nos pauvres Sarrasins. Déjà tous les réunis pour cette guerre sainte, dans la plaine de Saint-Denis, sont à prendre la fête. Allons de bouton fainéant, il s'agit d'une fête. Nous allons tous en mécréant être Martel en tête. Oh, que je les plains, oh, que je les plains, ces pauvres, pauvres Sarrasins. Oh, que je les plains, oh, que je les plains, ces pauvres, pauvres Sarrasins. Maître Martel en tête, ce n'est pas nous, c'est Jacques Offenbach dans l'opéra Geneviève de Brabant en 1859, le boléro de Charles Martel dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Valentin Bobinet. Charles Martel, mythe identitaire, mais pour bien comprendre Charles Martel, il faut aussi comprendre ce à qui, dans cette narration d'opposition binaire, s'oppose Charles Martel. Anne-Lise Neff. Qui a-t-il en face de lui? Parce que face à Charles Martel, il y a là aussi une narration d'une Andalousie très particulière. Alors de fait, pour bien comprendre ce qui est en jeu, il faut comprendre la construction et les projections qui ont lieu autour de ce qu'on appelle Al-Andalus, donc, c'est-à-dire cet espace ibérique hein, qui a été dominé et gouverné par les arabo-musulmans entre 711 et 1492, donc sur une période relativement longue. Alors pourquoi faut-il faire le lien? C'est parce que d'une certaine manière, ce qui se joue dans l'interprétation, comme on le disait tout à l'heure, du coup d'arrêt qui est donné à Abd al-Rahman, c'est en fait la question de savoir si la France, puisque c'est comme ça qu'on envisage les choses, même si on a bien dit qu'elles n'existaient pas à l'époque, aurait profité sur le long terme d'une telle conquête, hein. C'est-à-dire si la civilisation islamique est à la fois riche culturellement, économiquement, etc., et si donc la France en aurait profité, ou si au contraire, cette civilisation arabo-islamique est une civilisation d'oppression, de religion fanatique, de despotisme, et que donc ce coup d'arrêt est un immense soulagement. Et sur cette question-là, il faut bien dire que les interprétations ont rejoué constamment, on peut dire dès le XVIe siècle, mais surtout à partir du XIXe siècle. Et il y a deux fils, en fait, qu'il faut tenir. Il y a un fil intra-espagnol, si je puis dire, et un fil français. Et les deux sont tout à fait liés, en réalité. Alors, quelle est la question? La question, pour les Espagnols, à partir du moment donc de la construction de la nation espagnole, à partir du 19e siècle, donc, c'est de savoir comment on définit cette nation. Pour certains, il faut la définir, disons, comme national-catholique, on va faire vite. Pour d'autres, au contraire, il faut regarder du côté des Lumières, éventuellement du côté de l'aventure napoléonienne, qui n'a pas laissé tout à fait que des bons souvenirs en Espagne. Et bien entendu, ces Lumières et cette aventure napoléonienne ont un positionnement par rapport à l'islam, hein, de manière générale, et en particulier par rapport à Al-Andalus. Donc peu à peu vont se créer deux images, toutes les deux, je le dis tout de suite, fausses, hein, pour l'historien, celui qui fait les frais de cet antagonisme en fait idéologique, c'est l'historien, entre une Espagne des trois cultures, à l'Andalous, parangon de la tolérance, etc. Ou bien, donc, au contraire, une à l'Andalous qui a opprimé les vrais Espagnols, qui sont des chrétiens, qui malgré tout se sont maintenus dans le temps et, heureusement, ont, par la Reconquista, récupéré donc leur territoire et, si je puis dire, leur âme. On trouve vraiment des choses de ce type-là, dans ce type de discours. Oui, c'est un discours extrêmement complexe qui traverse les siècles, un discours de rencontre. Les rencontres, ça provoque toujours des discussions. Et sans rencontre, il n'y a pas de discussion. Donc il y a bien souvent appauvrissement. Et cet appauvrissement, j'arrive à le dire, eh bien, c'est aussi celle de la rencontre de deux cultures entre le chant gallican et la musique arabo-andalouse. Arabo-andalouse composée vers le 8e, 9e siècle. Annelise Neff, vous êtes professeure à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit « Révolution islamique, émergence de l'islam en Méditerranée, 7e, 10e siècle ». C'est publié par l'École française de Rome. Quelle est la lecture du point de vue des Arabes, ou en tout cas des Andalous? Parce que là aussi, dire arabe, c'est réduire ce qui se passe en Espagne. Quelle est la lecture de cette bataille de Poitiers? Vous nous l'avez dit, sur le moment même, bon, on ne sait pas trop, mais ensuite, devient-elle comme chez nous, un moment phare de la narration d'une identité nationale? Alors en fait, non. Pour une raison simple, c'est quand, enfin, vous aurez sans doute remarqué que les défaites, sauf exception, font rarement, disons, la trame préférée de ceux qui ont été battus. Hein, bon. Ce qu'il faut quand même bien souligner, c'est que Al-Andalus donc a une importance du point de vue des récits nationaux et européens. Ça c'est sûr, parce que c'est un peu la pierre de touche, je le répète, de ce que serait devenue une Europe sous domination, gouvernée ou arabo-musulmane même. Ça c'est un premier point. Mais Al-Andalus est aussi très importante pour, à partir notamment du 19e siècle, mais même en amont, pour les intellectuels et les savants arabo-musulmans. Donc dans l'Empire ottoman en particulier, c'est des choses qui ont été bien montrées récemment dans ce très beau livre d'Edem Eldem, l'Alhambra à la croisée des histoires. Donc de fait, Al-Andalus fascine, mais elle fascine plus pour d'autres épisodes, en particulier la conquête, par Tariq ibn Ziyad. Alors là, on comprend bien pourquoi. Hein. C'est le côté victorieux qui intéresse. Et aussi pour la fin d'Al-Andalus. C'est-à-dire, en fait, hein, la destruction en 1492 de ce qui reste du royaume de Grenade. Avec toute une littérature, disons, qui est plus dans la nostalgie, dans le regret de ce qu'a été Al-Andalus, et avec aussi une construction qui met en avant une Al-Andalus tolérante, ouverte, où on voit évoluer des intellectuels tels que Averroès, Ibn Rushd, qui sont aussi des figures importantes hein, dans la, disons, dans la mémoire arabo-musulmane. Mais ça n'est pas tellement, effectivement, la bataille de Poitiers qui passe au premier plan, même si elle a été parfois traitée, notamment par un auteur, Georgi Zaidan, qui est un des grands représentants de ce que l'on appelle la Nahda arabo-musulmane. Donc c'est, pour faire vite, ce mouvement de réforme qui a lieu au XIXe siècle, réforme intellectuelle, qui vise, dans le rapport évidemment avec ce qui se passe en Europe et au-delà, à redéfinir l'identité des pays qui composent l'Empire ottoman, et à voir donc s'il vaut mieux regarder vers l'islam ou vers l'arabité, souvent un peu les deux. Et Georgi Zaidan, qui écrit un grand cycle de romans historiques, va faire un ouvrage sur 732 et donc la bataille de Poitiers. La construction des idées et des identités nationales au XIXe siècle dépasse largement le cadre européen. Souvent, nous le réduisons au cadre européen, mais non, cela va beaucoup plus loin. Et dès lors, il n'est pas étonnant de trouver sous la plume de Chateaubriand quelques réflexions historiques qui sont liées à une identité européenne. Les chrétiens n'étaient point les agresseurs. Si les sujets d'Omar, partis de Jérusalem après avoir fait le tour de l'Afrique, fondirent sur la Sicile, sur l'Espagne, sur la France même, où Charles Martel les extermina, pourquoi les sujets de Philippe Ier, sortis de la France, n'auraient-ils pas fait le tour de l'Asie pour se venger des descendants d'Omar, jusque dans Jérusalem? Il s'agissait non seulement de la délivrance de ce tombeau sacré, mais encore de savoir qui devait l'emporter sur la terre, ou d'un culte ennemi de la civilisation, favorable par système à l'ignorance, au despotisme, à l'esclavage, ou d'un culte qui a fait revivre chez les modernes le génie de la docte antiquité et a aboli la servitude. Daniel Koenigsberg qui lisait cet extrait de l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand. Nous sommes au début du 19e siècle, en 1811. William Blanc, quand Chateaubriand apporte ses réflexions où il relie Charles Martel et la bataille de Poitiers aux croisades, avec toute cette interrogation sur qu'est-ce que nous avons face à nous, un système d'ignorance, de despotisme, ou alors le génie de la docte antiquité, et puis celui qui a aboli la servitude? Il joue ici sur des conflits très nets. Oui, alors déjà, bon, c'est intéressant parce que cet extrait, parce que, bon, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Chateaubriand, depuis le génie du christianisme qu'il écrit en 1802, si je me souviens bien, il fait une espèce d'OPA sur les Lumières. Et en gros, il dit, les Lumières, la raison, c'est pas du tout les philosophes comme Voltaire ou Rousseau qui représentent, c'est le christianisme, en fait. Hein, donc, et c'est un peu ce qu'il dit. Là, il dit, concrètement, heureusement qu'il y a eu les croisades, c'est, en gros, les croisades ont apporté la civilisation au monde. Mais là, ce qui nous intéresse, le plus dans notre propos d'aujourd'hui, c'est que Chateaubriand voit constamment, et c'est peut-être un des premiers qu'il analyse comme ça, donc, mais même là il reprend quelque part un peu Voltaire, mais il le transforme à sa sauce, c'est qu'il voit les rapports entre le christianisme et l'islam comme des rapports conflictuels, uniquement comme une série de conflits, avec un moment désavancé des uns qui implique le recul des autres et inversement. Et en disant, il y a un bon camp, c'est le christianisme qui apporte la civilisation, et le mauvais camp, c'est l'islam, qui est un camp de despotes. Et surtout, et donc derrière ça, il y a aussi l'idée chez Chateaubriand, la peur de, enfin, que cela se répète. Il dit voilà, il faut absolument que la chrétienté recommence ou poursuivre une espèce d'effort de croisade ou de nouvelle croisade, sinon on risque de se faire happer à nouveau par les ténèbres de l'Orient. Donc là, il y a tout un discours très contemporain, parce que Chateaubriand, tout au long des, là on est en 1811 quand il écrit ça, mais il va tout au long des années 1800 1820 et même 1830, est un ferme partisan de la guerre contre l'Empire ottoman et puis de la colonisation de l'Algérie. Et donc derrière ça, il y a vraiment l'idée que on sera en train de répéter en fait une espèce de mouvement séculaire, une espèce de choc des civilisations avant l'heure en fait. Hein, donc il faut absolument le faire, sinon on risque en fait, hein, la France risque d'être happée par l'islam en fait. Hein. Et donc ça, évidemment, c'est un discours qui va constamment être rejoué. Ça, ce qu'a dit Anne Lizneuf, et par rapport à l'Andalousie, on est aussi là-dedans en fait. Hein. Donc ce discours-là va constamment être rejoué en fonction des époques. Fin 19e siècle, on va avoir Drumont qui va le reprendre, donc le pamphlétaire antisémite, sauf qu'il va dire concrètement Abderrahman, c'était pas la barbarie en fait, hein, donc le despotisme, mais c'était en fait un coup des sémites en fait, hein, donc on comprend des juifs. Et puis après plutôt à la fin du XXe siècle, avec dans un contexte très différent, on va rejouer cette idée là notamment à partir des années à la fin de la guerre froide, avec des auteurs américains comme Samuel Huntington, avec justement sa théorie de choc des civilisations, qui va dire concrètement il y a eu des avancées, il y a eu des reculs, il y a eu constamment un affrontement, un choc des civilisations entre la chrétienté et l'islam. Et donc la première date qu'il donne, c'est 732, la seconde date, une des secondes dates, c'est 1683, et il dit voilà, on est un retour de ça, on est dans un retour du choc des civilisations. Et donc c'est un discours qui aujourd'hui, au sein du spectre politique, reprend en fait, hein, régulièrement, et régulièrement repris, parfois de manière extrêmement violente, avec justement des terroristes, hein, comme le terroriste qui a assassiné des gens à Christchurch en Nouvelle-Zélande, dans une mosquée, et qui avait sur son fusil marqué les dates comme 732, Battle of Tours, donc la bataille de Poitiers en anglais, et 1683. Donc on a une espèce encore une fois de redite en fait, hein, donc de Huntington. Et puis sur un champ politique plus légal en fait, hein, mais et plus large, on a des gens comme des candidats à la présidentielle actuelle comme Éric Zemmour qui sont vraiment dans ce discours là mais encore une fois, ces discours là datent vraiment du début du 19e siècle, de Chateaubriand. Et quand on regarde, si on fait un travail d'historien et qu'on regarde les sources des croisades, donc les chroniqueurs médiévaux des croisades, hein, qui parlent de la croisade, qui même parfois justifient les croisades, jamais, au grand jamais, ils ne parlent de Charles Martel, de la bataille de Poitiers. C'est complètement en dehors, hein, donc au 11e, 12e, 13e siècle, c'est complètement en dehors de leurs préoccupations. C'est ça qui est formidable, de sentir comment au 19e siècle, quand se construisent les identités nationales, on a besoin de héros, Charles Martel c'est parfait, et comment, eh bien, il est instrumentalisé, disons-le, selon le contexte de colonisation, de racisme scientifique qui se met peu à peu en place. William Blanc, vous avez évoqué, hein, ces dates, 732, la bataille de Poitiers, et puis 1683, la bataille de Vienne, quand le grand vizir est arrêté. Ce sont des éléments majeurs de notre histoire. Mais dans le même temps, et c'est ce que nous évoquons aujourd'hui, parce que il y a deux regards, hein, qui se mettent en place. D'un côté, celui de Charles Martel, et puis celui de l'Andalousie, qui est très important parce que dans le débat, il y a un autre débat. Ce monde des Francs, un monde primitif et brutal, Georges Duby, professeur au Collège de France, le connaît bien. Pour lui, pas de question. La civilisation était du côté des Arabes. Incontestablement. Incontestablement, l'ère de la Méditerranée orientale était une ère de civilisation infiniment supérieure à celle de la Gaule, et spécialement de la Gaule austrasienne. La région de Poitiers, la région de Clermont-Ferrand, la région de Marseille conservaient encore beaucoup de vestiges de la romanité. Mais dès qu'on s'avançait du côté de Reims, du côté de Metz, du côté de Verdun, on s'enfonçait dans ces forêts. Et par conséquent, on entrait dans une civilisation extrêmement rustique, une civilisation du bois, une civilisation de l'arme de fer, extraordinairement puissante, mais de la sauvagerie la plus totale. Georges Duby, qui s'exprimait en 1974 dans l'émission Les Grandes Batailles du Passé, évidemment pour la bataille de Poitiers. Annelise Neff, il y a de ça aussi, parler des mythes, ce n'est pas prendre position bien sûr, parce que l'historien, l'historienne ne prend pas position, mais la parole de l'historien a un écho évident. Alors tout de suite, il y a le contradicteur qui dit mais non, il faut nuancer. Bien sûr, c'est-à-dire que là, effectivement, on est devant une description relativement caricaturale. Alors je crois qu'aujourd'hui, tout historien, enfin tous les historiens peuvent se mettre d'accord sur le fait que nous ne sommes pas là pour donner des bons et des mauvais points. Il ne s'agit pas de dire qui est mieux que l'autre, qui est en avance par rapport à l'autre. C'est pas une hiérarchie des cultures ou des mondes sociaux que l'on fait. C'est ça qui ne va pas dans cette description. Mais il est vrai que cette idée est revenue à de multiples reprises, c'est-à-dire l'idée que l'islam à l'Andalous aurait été en avance sur le monde contemporain hein, des 8e, 9e et même au-delà. D'une certaine manière est un débat, je le répète, qui n'est pas un débat historien. Et un des problèmes, c'est que aujourd'hui, une partie, disons, pour dire les choses très clairement, des historiens qui sont des historiens clairement réactionnaires, en lien avec des partis tout à fait connus, Vox, etc., espagnols, qui sont traduits en français après 2015, ce qui évidemment n'est pas un hasard, parce que là aussi, il y a des choses qui rejouent, vont avoir beau jeu de dénoncer ce qu'ils appellent le mythe andalou, qui est en fait porté par des gens qui ne sont pas des historiens, et qui mettent en avant une vision tout à fait déformée de l'histoire, et que nous, historiens, ne pouvons pas admettre non plus. Vous évoquez 2015, hein, les attentats islamistes Charlie Hebdo, justement William Blanc. À partir de 2015, vous qui étudiez le mythe Charles Martel, son évolution, parce qu'il y a une histoire du mythe, et là c'est passionnant, l'on voit réapparaître au moment de « Je suis Charlie » un détournement de ce slogan avec « Je suis Charlie Martel ». Oui, tout à fait, qui va être notamment dite par Jean-Marie Le Pen, hein, donc et aussi par les identitaires, donc Génération Identitaire, donc aujourd'hui qui est un parti qui a été interdit, qui a été dissous. Donc oui, c'est il y a clairement. Alors en plus, c'est là où, en fait, là je rejoins totalement Annelise Neff, en fait, hein, c'est que il faut comprendre. Nous, on a publié le livre vraiment la première version en 2015, mais juste après les attentats de Charlie. Donc on a vu ça et on a sorti une nouvelle version, une réédition en 2017. Et là, on s'est aussi intéressé, donc parce qu'on est, l'actualité quand même a été assez dense hein, de ce côté-là. On s'est aussi intéressé au discours, notamment des réseaux islamistes, voire des réseaux djihadistes. Et on a aussi trouvé chez Daesh en fait un discours comme ça en fait. Hein, donc, en fait, il y a vraiment cette idée qu'on retrouve en fait hein, donc de choc des civilisations des deux côtés en fait hein, donc il y a vraiment cette idée voilà donc quelque part les réactionnaires des deux côtés en fait hein, vont avoir cette idée que il y a une espèce d'incompatibilité en fait des deux civilisations. Les deux civilisations seraient destinées constamment à s'affronter et elles prennent la bataille de Poitiers comme preuve de ça. Voilà, la bataille de Poitiers qui en soi est un moment, mais alors pas si majeur que ça, vous nous l'avez clairement expliqué l'un et l'autre. Merci beaucoup Annelise Neff, William Blanc. En revanche, le mythe de la bataille de Poitiers est fascinant. Révolution islamique, Annelise Neff, c'est votre ouvrage publié par l'École française de Rome. Et William Blanc, l'ouvrage dont vous parliez, c'est Charles Martel et la bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire, avec Christophe Naudin. Mais pour le moment, dans le cours de l'histoire, il est temps de retrouver le pourquoi du comment avec Gérard Noiriel. Pourquoi faut-il toujours défendre le droit d'asile ? La guerre que la Russie a déclarée à l'Ukraine a déclenché un immense élan international de solidarité visant à accueillir les Ukrainiens contraints à l'exil. Cette tragique actualité nous rappelle l'importance capitale qu'a joué le droit d'asile dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit en effet d'une pratique très ancienne, puisque le devoir moral consistant à accorder refuge et protection à des individus menacés ou victimes de persécutions se retrouve dans la plupart des grandes civilisations. Le mot « asile » est issu du grec ancien « asylon », « asylum » en latin, terme qui désignait un endroit que l'on ne pouvait pas piller. Les temples ont été pendant longtemps l'exemple typique de ces lieux inviolables où les personnes en danger pouvaient trouver refuge. En France, à partir du Moyen Âge, c'est l'Église chrétienne qui a rempli ce devoir sacré. Mais la Constitution de l'an 1, adoptée en 1793 par la Convention, a marqué une véritable rupture dans cette histoire multiséculaire. Pour la première fois, un État a proclamé que le droit d'asile était un attribut de la souveraineté du peuple. L'article 120 de cette Constitution de l'an 1 affirme en effet que le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté, il le refuse aux tyrans. Bien que cette constitution n'ait jamais été appliquée en raison des bouleversements politiques de cette époque, son article 120 a servi par la suite de référence pour tous ceux qui ont défendu le droit d'asile. La Première Guerre mondiale a eu des effets dramatiques pour les populations obligées de fuir leur terre natale, mais qui ne trouvaient aucun pays prêt à les accueillir. C'est dans ce contexte dramatique qu'est né le Haut Commissariat aux réfugiés, toujours actif aujourd'hui. Fridtjof Nansen, le premier haut commissaire, a créé en 1922 un passeport spécial appelé le passeport Nansen, grâce auquel les exilés ont pu trouver refuge dans un pays d'accueil. Les Russes, fuyant la guerre civile, ont été les premiers à bénéficier de ce droit nouveau. Les atrocités commises par le régime hitlérien et les bouleversements causés par la Seconde Guerre mondiale, on estime à 50 millions le nombre des personnes déplacées au cours de cette période, ont poussé au paroxysme la crise du droit d'asile. C'est pour la résoudre que l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, votée par l'ONU en 1948, stipule que, devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Cet idéal a été traduit dans le droit international public grâce à l'adoption de la Convention de Genève en 1951, puis du Protocole de New York en 1967. L'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, fondé en 1952, a eu pour mission d'appliquer cette législation. Malheureusement, à partir des années 1980, la fermeture des frontières a incité les États, y compris la France, à remettre en cause ce principe humanitaire. La solidarité à l'égard des exilés ukrainiens montre pourtant qu'il s'agit là d'une cause que les peuples sont encore prêts à défendre. Il faut néanmoins rappeler que l'accueil des réfugiés est un droit universel, que nous devons respecter quelle que soit l'origine des personnes persécutées. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Valentine Lovrens. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.